L'actualité à Nancy et ailleurs. Le salon Livre d'ailleurs revient pour sa troisième édition du 12 au 14 avril au Palais du Gouvernement à Nancy. Ridouane Atif, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Diwan en Lorraine. Livre d'ailleurs a cet objectif d'alterner chaque année entre l'Orient et l'Afrique. Cette année, c'est l'Afrique qui est à l'honneur, c'est ça ? C'est ça. Donc, ça a démarré en mars 2022 à l'hôtel du département et c'est l'Afrique. Et l'idée, c'est d'alterner entre Afrique et Orient et de travailler sur ces deux aires géographiques pour faire vivre la bibliodiversité ici en Lorraine. Alors expliquez-nous un peu la philosophie de ce salon Livre d'ailleurs et quelle évolution il a connue en 3 ans. Le Livre d'ailleurs, c'est un festival qui est proposé par l'association Diwan en Lorraine et pour la programmation, on le fait en association avec l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Ce sont 800 maisons d'édition sur 55 pays et nous travaillons avec Elisabeth Deldoul qui est responsable des éditions Elisa da Tunis comme conseillère littéraire, et Kenza Sefrioui qui est journaliste, critique littéraire et responsable de la maison d'édition Toutes Lettres à Casablanca. Donc c'est Kenza qui assure la direction de Livre d'ailleurs. Et donc l'idée c'est d'avoir une trentaine, maximum une quarantaine d'auteurs, une fois d'Afrique, une fois d'Orient, pour faire connaître toutes ces plumes qui sont méconnues dans notre région et pour venir un petit peu enrichir nos imaginaires. Les auteurs qui viennent, on les propose aux établissements scolaires et donc un certain nombre d'entre eux vont dans les écoles primaires, collèges, lycées, à l'Université de Lorraine, donc notamment dans les départements d'arabe et d'anglais à la Faculté des Lettres. Et ensuite, on a 3 jours de salon au Palais du Gouvernement où on a des tables rondes. Donc voilà un petit peu le concept de Livre d'ailleurs. Une formule qui fonctionne, vous voyez les résultats aujourd'hui dans le regard de ces enfants ou de ces étudiants ? Énormément, parce que Diwan en Lorraine, en fait, a été créé en 2006 autour du vivre ensemble, du partage, de la culture. Et tout ce dont on s'est battu, mobilisé pendant des années à travers des concerts, des conférences et tout ça, eh ben, on l'a eu en une fois au Livre d'ailleurs, parce que là, on a tout un corps enseignant qui est très heureux, qui s'inscrit chaque année dans les éditions pour recevoir un auteur. La première année, on avait 16 interventions au milieu scolaire, ce qui revient à 400 élèves. La deuxième année, on en a fait 29, ce qui revient à 1200 élèves. Cette année, on en a 26. Et donc, ça devient un rendez-vous annuel qui est attendu. Et les auteurs sont très contents aussi de pouvoir échanger avec les professeurs, avec les élèves, et ensuite de découvrir le public lorrain au Palais du Gouvernement. Voilà, ils sont très nombreux. On va peut-être s'attarder sur la présidente d'honneur cette année, Ken Bugul, qui est donc une romancière sénégalaise. Comment s'est fait cette rencontre et ce choix ? Le choix se fait souvent entre Diwan en Lorraine et l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Et là, en l'occurrence, c'est Elisabeth et Kenza qui nous avaient proposer 2 profils et on fait une attention à avoir une parité dans nos présidences. Donc la première année, c'était un président, Inkouli Jean Bofane, et donc on a fait attention que pour la deuxième année de l'Afrique, ce soit une présidente, donc on a pris Ken Bugul, mais ce n'est pas le seul argument qui plaide en sa faveur. Une écrivaine sénégalaise, c'est une femme qui est engagée dans la place de la femme auprès des associations, dans les solidarités, et donc c'est une femme qui représente tout à fait ce qu'on veut développer dans le Livre d'ailleurs, donc faire vivre la bibliodiversité et travailler à travers Faire Humanité Ensemble. Et Ken Bugul est une dame formidable qui symbolise tous ces vivre ensemble, on va dire. Voilà, une personnalité à rencontrer, comme toutes celles qui seront présentes du 12 au 14 avril. Donc ça se passe au Palais du Gouvernement. Comment ça se passe ? Alors déjà, l'entrée est gratuite, hein, c'est ça ? Tout à fait. Donc l'entrée est gratuite. C'est du vendredi 12 au dimanche 14 avril. C'est de 10h à 19h30. Nous aurons 2 salles pour les tables rondes. D'ailleurs, à cette occasion, nous souhaitions commémorer la mémoire de 2 amis qui nous ont quittés. Donc notre grande amie romancière Élise Fischer. Et donc une des salles portera le nom d'Élise Fischer. Et l'autre salle portera le nom de notre amie disparue, Solange Ducasse. chemin qui nous a accompagnés depuis nos premiers pas. Le public est attendu, c'est gratuit et au rez-de-chaussée, il y aura une très belle exposition d'un artiste algérien, Mustapha Boutagine, et cette exposition s'appelle Portrait d'Afrique. On pourra y découvrir les grands noms de l'Afrique, de Nelson Mandela à Cesaria Evora, Myriam Makeba, Mehdi Ben Barka et plein d'autres noms. Du 12 au 14 avril, au Palais du Gouvernement à Nancy, on y va tout simplement, ça s'adresse à tout le monde bien entendu. Ah, tout à fait. Donc, tout le public est attendu, les petits comme les grands. Et puis, les auteurs se feront un plaisir d'échanger avec eux. Et les adhérents et les bénévoles de Diwan se feront un plaisir de les accueillir et de les orienter. Et pour se donner aussi un petit avis, on peut déjà aller sur le site livredailleurs.fr. Comme ça, on peut retrouver tout le programme. Ridouane Atif, pour que cette troisième édition soit une réussite, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que le public soit au rendez-vous parce qu'on se donne un mal fou à inviter des gens qui viennent de loin. On remercie d'ailleurs les instituts français qui nous ont aidés à obtenir des visas. C'est pas simple, donc il y a tout un parcours de combattants pour obtenir un visa. Ensuite, il faut prendre les billets d'avion, les billets de train. Les gens viennent de loin, des fois pour un petit laps de temps, et il faut profiter de ce laps de temps pour échanger avec eux. Ils viennent pour ça, vous découvrir et puis vous porter leurs imaginaires à eux. Merci beaucoup Ridouane Atif. On vous souhaite une très belle troisième édition du Salon Livre d'ailleurs du 12 au 14 avril au Palais du Gouvernement à Nancy. Merci encore. Merci beaucoup à Fadjet. Merci, bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.